François Morel, 8h56, à vous. Bonjour. Aldebert est un chanteur que les enfants adorent. Il les fait rire. Aldebert est un chanteur que les parents vénèrent. Il ne prend pas leurs enfants pour des imbéciles. À l'école Jacques Prévert de Ludre, près de Nancy, les chansons d'Aldebert avaient été choisies comme support pédagogique. Polémique, scandale, protestation. Un jour, un parent d'élève a entendu une chanson que chantait sa fille et il a été choqué, offusqué, d'entendre des paroles contraires, selon lui, aux valeurs de la République telles que doit les promouvoir l'école. Écoutez plutôt. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à faire le tour de la maison en pyjama pour choper froid, manger des tartines au goudron pour avoir mal à l'estomac, faire mon service militaire, traverser la Manche au bouée, chatouiller une panthère, faire pipi sur un policier. Oh. Quand j'entends ces paroles, dit le parent d'élève qui a mis le feu aux poudres, je pense au gendarme Beltrame qui a sacrifié sa vie pour sauver une otage, à ce couple de policiers assassinés sous les yeux de ses enfants, à cette policière municipale tuée de sang-froid par un terroriste. Cher monsieur, je crois que vous êtes un peu à cran, que normalement la phrase « faire pipi sur un policier » ne devrait pas vous faire penser à toutes ces récentes tragédies que vous évoquez. Il y a un truc qui est important, notamment dans la vie en collectivité, et qui s'appelle l'humour. Généralement, les enfants qui ne sont pas bêtes comprennent bien l'humour. Ils peuvent ainsi apprécier Marcel Aimé, Pierre Gripari et Tommy Ungerer. Ils peuvent ainsi faire la différence entre la réalité et la fiction. Monsieur le parent d'élève, je vous promets qu'on peut ressentir le plus grand respect, la plus grande admiration pour le geste héroïque du gendarme Beltrame, tout en s'amusant du gendarme de Guignol ou de Saint-Tropez, tout en connaissant les paroles de Brave Margot où sont évoqués des gendarmes qui sont par nature si ballots, tout en rigolant du marché de Brive-la-Gaillarde où, quand il s'agit de rosser des cognes, tout le monde se réconcilie. Comme disent les enfants, monsieur le parent d'élève, ce n'est pas pour de vrai. C'est de l'humour. Si votre état d'esprit est de prendre tout au pied de la lettre, vous pourriez noter que la chanson d'Aldebert encourage également à chatouiller une panthère, ce qui à Thoiry ou aux eaux de Vincennes pourrait s'avérer extrêmement périlleux, à manger des tartines au goudron, ce qui pourrait être considéré, peut-être devriez-vous contacter la DAS comme un appel au suicide. Aldebert suggère dans cette même chanson de mettre les cahiers au feu, la maîtresse au milieu. La plupart des gens comprennent qu'il ne s'agit pas d'un réel appel au meurtre. Je connais un peu Aldebert, je ne pense pas que personne puisse penser sérieusement qu'il ait une telle animosité vis-à-vis des professeurs des écoles qui, selon moi, et certainement selon Aldebert, ont droit autant que les policiers à la reconnaissance et au respect de chacun. Monsieur le parent d'élève, vous deviez bien vous douter qu'en mettant votre enfant dans une école qui porte le nom de Jacques Prévert, un léger vent d'insolence, d'humour, de liberté aurait bien le droit, de temps en temps, de souffler un peu. Moi j'irai jusque là. Merci François Morel, on vous retrouve en tournée tout le mois d'avril avec votre concert La Vie, entre parenthèses, titre provisoire, j'adore, et ce soir au Colisée de Roubaix avec la présence exceptionnelle de l'Harmonie de l'île Five.